ce côté de l'océan. Je sais que de l'autre côté, l'autre va se transformera en bossa. Transformera, transformera. D'un coup de baguette magique, à travers l'océan Atlantique, tellement, tellement. Trajet. De côté. Y'a que le Mercosur? Non, vous en êtes sûr? Mais non. Portugal, Espagne. Royaume perdu. Si les Mayas avaient envahi l'Espagne, pourquoi pas? Peu de choses près. Ça m'a fallu d'un scénario inversé. Imagine la colonisation dans l'autre sens. C'est les Mayas qui colonisent Espagne. Imagine le roi Maya sur le trône d'Espagne. Sans l'effet de surprise. Pas faire trop les malins sur ta nation, petite nation qui date de pas longtemps, tranquille. Identité tranquille, tout ça est relatif comme l'espace, le temps, les vagues de chaque côté de l'océan, la même. Figure la même chose. We are human after all. Everywhere in this. Territory. marijuana. Des fois, ça dure depuis tellement longtemps qu'on s'en souvient plus d'où vient le vrai problème. Des fois, ça fait tellement longtemps que ça dure les conflits, que les gens se tapent dessus de famille en famille. Truc de dingue. Un truc de fou. Remonte à chaque repas de famille. Comment les humains peuvent vivre ensemble? Comment les humains peuvent essayer de faire ensemble? Mettre en place des rapports de domination. Comment les humains peuvent faire ensemble? Comme les musiciens essayer de faire ensemble. Un truc sera pas ouf, sera pas dingue, mais une tentative. Maybe a fail. I will fail better with you. Car si j'essaye pas, je me résigne, je me fous dans le trou. J'ai juste envie de m'enterrer. Aléa Jacta Est, comme on disait à l'époque des Romains, la même époque, on a la même époque. Distraction, pain et jeu pour le peuple. Du pain et des jeux pour le peuple. Anesthésie. L'entrée des villes, comme exemple, pendu à l'entrée des villes, comme exemple, ça se profile aux USA. On veut nous pousser à la guerre civile, mais nous, on n'a pas envie de ça, non. Nous pousser à la guerre civile, non. Nous, on veut pas de ça. On aimerait bien être tranquille, posé, pouvoir élever nos enfants tranquillement dans un environnement pas trop toxique. Tranquille, posé, même dans un meublé. Je voudrais un lendemain juste. Another day, another dawn. Butterflies. God the Master. Even là, ici et maintenant. Ouais, ok. Ça le programme. Bâtirons un nouveau monde, nouvelle ère, nouveau millénium. The moon on the river. Moon river. Fait partie. Comme quand tu te laisses couler, couler dans la rivière, emporté par le flow. En anglais, en français, pas ça, c'est la flow. arrêts. Intervenir. Juste rester là, regarder, tranquille, posé, comme si ça nous appartenait pas.